Parce que peut pas canaliser mon humeur, mon esprit, cherche pas à l'analyser. La rue est ce qu'elle est avec, peut pas minimiser. Ce que j'écris, il décrit ni plus ni moins que ses problèmes habituels, pas mon problème. Si t'as balisé, c'est de l'Elysée. Jeune enragé, issu d'un mauvais système, rimeur engagé. Mon flow aiguisé, peut pas me déguiser. La mine grisée par la souffrance à l'heure actuelle, cherche pas les royalties. À ta santé si t'as vu cravé. Fume un 12 pour un 12 pour mes coups. Si on fait c'est pour le 12, pas pour le flou. J'sais d'où je viens, fume un joint, représente pour les miens. Les anciens, j'suis pas un chien, ma réussite. La famille donne pas mon cul et porte mes couilles. 2008, sors les douilles de la cave. Lève les mains qui est coupable, incapable en major, en radio, mon majeur. Pour mes frères et pour mes sœurs, Arafat c'est du bang dans le game. Avec mon gang, Paris maîtrisé. Malgré traîtrisé, jalousie qui peut mépriser. Cette guerre c'est pas la mienne, la vie une chienne. Dans la haine ken, dans les yeux de Barbie quand je les ken. Pas la peine que tu me comprennes. Pas la peine que tu me comprennes. Avec mon crew je vais te brutaliser. Hip hop en parlant bien sûr commence pas à baliser. Rien qu'à voir tes yeux, je vois que t'es tétanisé. Marine t'a neutralisé, déstabilisé. N'essaye pas de me culpabiliser. Avec ce putain de showbiz, j'ai aucune affinité. Sans pitié, à sec que je vais te sodomiser. Tu tentes la fuite, je m'en fais pas, le secteur a ébalisé. Tu veux nous déstabiliser, nous abuser, faire qu'on s'entretue, car pourra rien jalouser. Mais tu ne peux pas nous blouser, nous faire teaser, nous hypnotiser. On connaît le game, est-ce que t'as pactisé, showbiz? T'es obsédé par l'envie de nous diaboliser. Je viens de causer des frères terrorisés par l'état paralysé. Organisé en groupuscule, chacun dans son bise et ayant des règles d'or, sens de l'honneur, respect de vice et l'arme près du corps. Avisé, serais-tu prêt à te ghettoiser pour voir nos rêves se matérialiser? Ton but lobotomisé, nous mépriser, briser les liens de notre culture déjà fossilisée. La pauvreté de nos rues ne fait pas cotiser. Faut que mort s'en suive pour qu'on en vienne à se mobiliser. La fin dans le monde n'est pas prête de nous faire criser. Tant que certains auront un budget vu qu'il y a bitch à arroser. Tout le monde fait son show, tout le monde veut biser. Oubliant que les nôtres en crèvent, nous en sont traumatisés. Je m'aperçois qu'à tes sœurs, tu préfères miser. Showbiz, peut-être est-ce toi que l'on devrait exciser. Avec mon crew, je vais te brutaliser. Hip-hop en parlant, bien sûr, commence pas à baliser. Rien qu'à voir tes yeux, je vois que t'es tétanisé. Marine t'a neutralisé, déstabilisé. N'essaye pas de me culpabiliser. Avec ce putain de showbiz, j'ai aucune affinité. Sans pitié, à sec que je vais te sodomiser. Tu tentes la fuite, je m'en fais pas, le secteur est balisé.